Chapitre 28e, la rançon de 14. Et avec cette bravoure simple, naturelle, tout bonnement admirable, Paulin Broquet entra dans la cave par la petite porte, comme tout à l'heure 14 l'avait fait. Il dut, pour pénétrer, passer sur le piège, fermé maintenant, dans lequel le chien était pris. Paulin Broquet ne s'arrêta pas à la considération de sensiblerie qui l'eût empêché de passer sur le corps de l'animal ayant donné sa vie pour lui. Il ne regarda nullement cela comme une profanation. C'était un gage de plus de sécurité. De ce côté, en effet, le piège avait joué, donc il était probable qu'il ne partirait pas une seconde fois. Tandis que de l'autre côté, Paulin Broquet pressentait un danger égal pour lui, la menace d'un trépas semblable à celui de 14. En effet, nous savons que si Paulin Broquet était passé de ce côté, il tombait lui aussi dans la seconde mâchoire qui le guettait grande ouverte. Paulin Broquet, dans la cave, examina le piège dans lequel 14 se trouvait écrasé, le corps percé par les baïonnettes. Et malgré lui, il frissonna. « Les misérables, dit-il, les misérables, se servir d'armes pareilles. » Alors il ouvrit le piège, étudia le ressort, trouva le moyen de l'armer. Une barre de fer, celle qui avait servi au prince, à Thom Twig, se trouvait là, oubliée. Il la prit, et sans risque maintenant, il maintint ouvertes les terribles mâchoires. Doucement, avec des gestes de pitié et presque pieusement, il enleva du piège le corps affreusement broyé et tout transpercé du malheureux 14. Il le mit dans une caisse et dit « Nous viendrons te chercher pour t'enterrer convenablement, mon bon 14. Mais avant cela, tes mânes de bon chien, probablement, auront goûté le plaisir de la vengeance. » Il appela Gabriel, lui dit de l'aider. Il referma le piège, et avec le concours de son lieutenant, il passa ce piège par la petite porte. Il le posa de telle façon que le piège, armé maintenant à nouveau, rendu absolument invisible, bouchait le passage qui se trouvait entre les deux portes, celle fermant le souterrain et la barbotière, et celle de la cave. « Il est impossible maintenant, dit-il à Gabriel, de passer par l'antre de la baleine, et de venir ici sans être happé par ce piège épouvantable. » Il ajouta. J'ai l'intention d'y envoyer un zygomare. Lequel ? Celui que le sort désignera. Mais il y en aura certainement un de prix. Ensuite il alla, avec l'habileté que nous lui connaissons, ouvrir la porte donnant sur l'escalier de la cave. Maintenant, dit-il, faisons-nous une figure convenable. Sous leurs habits de clients du père Fricard, ils portaient des vêtements de ville très convenables, qui, en un tour de main, furent rajustés, mis en état. Tous deux avaient pris l'air de bons employés, de commis, de représentants de commerce qui n'attirent pas l'attention, dont on ne peut se méfier. Paulin Broquet dit à Gabriel « Tu vas te tenir dans la cage de l'escalier, fumant ta cigarette, lisant un journal, comme si tu attendais quelqu'un, cet ami que tu dois connaître, dont l'amorce t'a donné le nom. Entendu, chef. Tu empêcheras le prince ou le docteur de descendre à la cave. Compris, chef. Moi, je vais préparer un autre coup. » Paulin Broquet ajouta « Ils ont certainement entendu le cri d'agonie du chien. Ils sont aux aguets. Ils attendent le moment favorable pour descendre. Mais si l'amorce a bien compris, il se tient dans l'escalier et il les gêne. Je vais le rappeler. Toi, tu les empêcheras d'aller, comme ils en brûlent d'envie, vérifier si je suis bien pris dans leur tura, voir qui a crié, qui est mort. » Peu après, Paulin Broquet sortait de la cave, remontait dans le vestibule avec Gabriel. Nous savons que ce vestibule était séparé par un petit jardin du premier corps de bâtiment dans lequel se trouve, sur la rue, la loge de la concierge. Les détectives pouvaient donc manœuvrer avec une grande aisance. En sortant de l'escalier de la cave, Paulin Broquet siffla d'une certaine façon. Quelques secondes après, l'amorce apparaissait au bas de l'escalier, descendant des étages supérieurs. « Laisse-les descendre, » lui dit le détective, « mais reste avec Gabriel. » Pour les empêcher de passer dans la cave par ce côté. Il faut qu'ils passent par le souterrain. Bien, chef. » Paulin Broquet alors sortit de la maison. Sur le pas de la porte, il jeta un coup d'œil. Ces hommes avaient parfaitement compris. Ils jouent bien les inspecteurs de la sûreté, se dit-il en riant, ceux qui veulent imiter les grands détectives des romanciers, qui sont plus malins que la police. Ils surveillent, prenant un air si naturel, que du premier coup d'œil on ne peut les ignorer. C'est bien. Des croisés, les autres doivent les regarder, suivre leur manège et rire tous leurs sous. Rira bien qui rira le dernier. Paulin Broquet se glissa le long de la maison pour ne pas être vu des croisés au moment où ils sortiraient. Une fois sur la chaussée, il savait qu'on ne le reconnaîtrait pas. Il fit signe à Simon de le venir rejoindre. « Envoie un homme, » lui dit-il à la baleine, « dire à ceux des nôtres qui sont dans le salon des patates où donne la trappe qu'ils doivent laisser passer les aides, qu'ils se retirent du salon, mais qu'ils surveillent le couloir. » La consigne fut rapidement exécutée. Paulin Broquet n'avait alors maintenant qu'à attendre quelques minutes. Comme il s'en doutait, des croisées de l'appartement du docteur Huger, on surveillait en effet les Broquet qui manœuvraient dans la rue. On riait certes de voir avec quelle facilité on démasquait ces hommes, que cependant instruisait le plus habile des détectives du monde. L'on ne dit pas, dans cette joie, dans la raillerie qui occupait l'esprit que peut-être cela pouvait être voulu, qu'il fallait, pour un plan du chef, que les hommes fussent ainsi facilement brûlés. Mais en même temps, chez le docteur, régnait une forte inquiétude. On avait entendu le cri, l'appel douloureux, la plainte de mort. Il n'en aurait voulu savoir si vraiment le piège avait rempli son office, s'il avait donné ce qu'on attendait de lui. Si enfin Paulin Broquet était pris, tué. Mais impossible de passer, d'aller voir sans soi-même courir le risque de tomber dans un traquenard de Paulin Broquet et de ses hommes. L'un d'eux occupait l'escalier. Il pouvait donner l'alarme, faire resserrer la souricière. Mais voici que sur le boulevard de Port-Royal, parmi les Broquet, peu après que dans la maison on eut entendu le cri de douleur, se manifesta une agitation soudaine. « Hein ! » pensa-t-on chez le docteur. « Ils savaient aussi que le piège a fonctionné. Ils sont en émoi. C'est sans doute leur chef qui a pris. Ils vont vouloir s'en rendre compte. » L'impatience redoubla chez le docteur. On eût voulu courir, se précipiter dans la cave et tout de suite goûter les joies de cette victoire définitive. L'homme qui se tenait dans l'escalier, sous un prétexte quelconque, mais tout à fait acceptable, finit par s'en aller, par aller rejoindre ses compagnons. « Allons !» dit le docteur Huger, « ne perdons pas de temps. » Il y avait là, chez lui, outre le prince, deux hommes très élégants, deux gentlemen qui, sans doute, devaient former le conseil de Zigomar. Le docteur leur dit, « Mes amis, la voie est libre. Allez, vous, à la baleine, passez par les patates. Voyez si Paulin Broquet n'a rien agencé par là, et rejoignez-nous dans la cave. » Les deux gentlemen quittèrent la maison sans difficulté. Une auto se trouvait arrêtée non loin de là, ils y montèrent. Les voyant s'éloigner, Paulin Broquet, sachant où ils allaient, dit à Simon, « Il y en a un des deux qui va payer pour 14. »